Et pour le carnaval, vous... Eh bien, aussi, le carnaval, c'était une fête formidable, pour en dire, puisque le carnaval, on se groupait d'un côté de l'autre, on se mâchurait, on avait créé une musique au village, et on faisait le tour des campagnes à la matinée, et après, on donnait un grand bal au village. On avait monté un orchestre. Moi, j'étais saxophone, il y avait la caisse, il y avait le baryton, il y avait un accordéon, il y avait un violon. Et qui est-ce qui participait à cette tournée? Ah ben, mais c'était, alors, c'était tout, non, les hommes mariés, des jeunes, tout le village, tous les hameaux, vous voyez. Il n'y avait pas de... Ah non, il n'y avait pas de... Non, tout le monde participait à la fête. Le jour de carnaval, c'était quelque chose de formidable. Pratiquement, on se retrouvait environ 120 ou 130 dans l'Europe. Alors, c'est-à-dire 120, 130 dans le village, c'était pratiquement une grande partie des familles. Et là, je vous dis, le bonhomme, c'était Gilbert, à ce moment-là, son père qui tenait la boulangerie, et lui, il apprenait en tant que jeune, et il jouait dans l'orchestre, mais il avait un don pour faire les beignets, les oreillettes, vous voyez. Et alors, comme on ramassait des quantités de douzaines d'œufs, eh bien, on pratiquait les oreillettes, les beignets chez lui. Et on en faisait des grosses panières, vous voyez, de grosses panastres là-haut, c'était pas croyable. Et les gens qui venaient danser, eh bien, il y avait le vin rosé, et puis alors, on mangeait les oreillettes, vous voyez.